Chapitre 7. En ouvrant les yeux, Husselin crut qu'il était très tard. Pris d'une vague inquiétude, il se leva précipitamment et procéda à sa toilette. Ses gestes saccadés se heurtaient, et de même ses réflexions s'enchevêtraient. Un moment, dressé devant le petit lavabo, il dit d'une voix qui lui parut être celle d'un étranger. « Voyons, soyons clairs. Est-ce le savon ou est-ce la brosse à dents que je dois prendre ?» Ce problème tranché, son cerveau s'assoupit. À travers le vitrage de la fenêtre, il aperçut un disque jaune qui semblait courir sur la ligne des collines. Depuis combien d'heures, combien de semaines, combien de siècles dormait-il? Des ombres en combat occupaient sa conscience. Puis une idée se dégagea, se précisa qui répandit une lumière crue de proche en proche. « Hier soir, balbutia-t-il. » Un flot d'images assaillit son cerveau. La nuit, les paroles prononcées, l'antichambre close, Jeanne, René... Mais toutes s'écroulèrent, sauf celle-ci. Il ouvrit la fenêtre, s'y accouda et se recueillit. L'image de René lui parut toute neuve, mais il sentit avec tristesse qu'elle ne varierait plus, qu'elle était immuable et qu'il fallait lui sacrifier les fantaisies dont son rêve et son désir avaient entouré la jeune fille. Les sensations amassées près d'elle, en plusieurs années, convergeaient toutes vers un centre, et bientôt les souvenirs ambigus et fantasques, toujours enduits de chimères, toujours divinement frais, que ses sens portaient d'elle, furent marqués d'un caractère définitif, uniforme et désenchantant. « Le sceau de la réalité, » fit-il tendrement. « Quel dommage, petite Renée, tu ne seras plus le rayon de miel. » Il descendit, car il avait besoin de s'égarer dans la campagne, le nez à l'air, la poitrine gonflée et les yeux mi-clos. Entrant prudemment dans l'antichambre, il fut surpris, puis inquiet, d'y trouver les volets entr'ouverts. Personne dans la maison n'avait coutume de descendre si matin. Il fallait pour cela un événement exceptionnel. Et comme il n'entendait aucun bruit, il songea que René, la veille, pleurait de remords dans ses bras. « J'ai horreur de ces émotions, » pensa-t-il, attend fiévreusement le pas. Enfin, il s'approcha de la porte, tout défiguré par la crainte. « Tiens, mais c'est Foutrelle !» Le dos couvert d'une pèlerine, debout sur un escabeau, le malheureux bachelier aisse droit, peignait la grille du jardin en un beau vert sombre. Le réconfort de Husselin fut si brusque qu'il se prit à replier machinalement le rideau de fer avec un sourire béat. Mais il découvrit soudain Fauvarque devant une toile qui dissimulait le milieu de son corps. Ce spectacle le rendit soupçonneux. « Il a une mine étrange, » se dit-il. « Que signifie ce chapeau de feutre noir qu'il s'est enfoncé jusqu'aux sourcils ? Et quelle ardeur, quel biceps !» Il balit le pinceau avec une fougue bien extraordinaire. Il tressaillit à l'idée que Poteau était peut-être posté dans les environs, avec son gros bâton noueux. Cependant, ayant reculé d'un pas, il hasarde cette question. « Vous avez donc couché dehors ?» Par-dessus la toile, le peintre lui lança un regard dur et lui fit signe de ne point parler. « Mon cher, ça va bien, » dit-il d'une voix fiévreuse. « Cet esquisse m'a hanté toute la nuit. Maintenant, je suis parti. J'en ai pour la matinée sans m'arrêter. » « Toute la nuit, » songea Husselin, puis il demanda. « Est-ce que vous souffrez d'insomnie ?»« Non, non, bon Dieu, et fichez-moi la paix !» cria Fauvarque. Fouetté par cette bourrade amicale, Husselin s'éloigna avec un sourire large et puéril. Sa trahison de la veille, il se dit qu'il ne fallait pas en exagérer l'importance, puisque le ton de Fauvarque n'avait pas varié à son égard. Mais il se garda d'ajouter que celui-ci ignorait sa faute, car Husselin évitait ce jour-là d'achever ses pensées. Il s'approcha de Foutrelle, s'avança jusque sous son nez et leva vers lui un visage tendre que baignaient les premières lueurs du matin. « Eh bien, vieux Foutrelle !»« Je peins la grille du jardin, » dit Foutrelle avec un sourire que le soleil poussait à la grimace. « Il y a longtemps que vous êtes là ?»« 1 heure. »« Où avez-vous pris la couleur ?»« Dans l'atelier. »« Alors, vous peignez la grille ?» Husselin avait quitté sa chambre, chassé par un vague instinct d'insécurité. Soudain, il se sentait en confiance. Il fit le tour du jardin, gravit la terrasse, regarda devant lui. Sur le champ de plomion, un cheval blanc traînait la herse. Le laboureur suivait péniblement. Perdu dans un songe, la bête et l'homme semblaient également détachés de leur besogne. Et l'homme, dans la journée commençante, ne sentait pas encore qu'il était le maître du cheval. Sur la route, les noyers balançaient dans leurs branches une masse mouvante d'oiseaux. « Ils en font du potin, les passereaux, » murmura Husselin d'un accent qui rappelait celui de Fauvarque. Ne recevant aucune réponse, il rentra dans la maison et s'assit. J'ai besoin de pureté, j'ai besoin d'une pensée fraîche et de muscles forts, se dit-il. Je vivrai chaste. Je fermerai la porte à mes anciennes maîtresses. J'expliquerai à René. Et si le désir me tourmente, je labourerai la terre avec les ongles et avec les dents. Malgré la joie d'une belle matinée, il se sentait mal à l'aise. Entre deux amis qui travaillaient, il errait, porteur d'une inquiétude et d'un secret. Et son cœur, épris ce matin d'innocence et de labeur tranquille, avait peur d'être responsable du péché de la veille. L'aveu de sa faute ne l'eût pas effrayé. Il était coutumier de confessions totales, mais René, à cause d'elle, il devait se taire. L'attouchement des coussins moelleux, la couleur du ciel, le chant des oiseaux, tout le disposait à l'indulgence. Comme il était le coupable, ce sentiment retombait sur lui. Aussi renonça-t-il à mesurer sa faute. Elle n'était, en somme, dans l'histoire de son âme, qu'un événement accidentel, aux sources mêmes de sa vie. Il trouverait peut-être des raisons de s'absoudre. Bientôt, il sentit quelque chose qui venait au-devant de lui. Puissante, véhémente, tumultueuse, c'était une force à laquelle rien ne résistait. Husselin reconnut sa conscience. « Toi au moins, lui dit-il, tu es juste et incorruptible. Je me présente devant toi avec mon crime. Prononce ton verdict, j'obéirai. » Alors sa conscience parla. « Je te pardonne, je t'absous, il n'y a pas de crime. Tu n'es pas coupable, tu es bon, tu es noble, tu es grand. Prenez donc un livre, dit Fauvarque, voyant Husselin inoccupé. » Husselin prit un évangile que René avait oublié sur la table.